Amis aux tympans curieux, bonjour. Venez contempler le temps qui boucle, l'immensité du patrimoine en constante croissance. Ici, on accumule les archives comme les œuvres d'art de Charles Foster Kane, et je vais vous présenter une chanson qui a toujours été reprise depuis plus de 80 ans. On estime à l'heure actuelle qu'il y aurait plus de 67 000 versions enregistrées de ce morceau. A partir d'aujourd'hui, et pour tout le mois d'août, on s'attaque à Summertime dans la même, mais pas pareil. Summertime est tiré de Porgy and Bess, un opéra folk du compositeur George Gershwin. L'histoire se déroule dans le sud-est américain, en l'occurrence en Caroline du Sud, avec des personnages afro-américains dans un contexte de ségrégation raciale totale. Autant dire que c'est une œuvre rarissime en 1935. Summertime est d'abord chanté par Clara, une jeune maman qui veut endormir son enfant, puis le morceau va servir de motif récurrent dans l'opéra, pour garder espoir malgré la série de malheurs qui va s'abattre sur les personnages. La pauvreté bien sûr, mais aussi la violence, puis un ouragan qui emporte Jake, le mari de Clara. Celle-ci tente de le sauver mais perd la vie et l'enfant est confié à Bess, l'héroïne. Je vais pas vous raconter tout l'opéra, en plus je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il faut garder en tête la force de ce morceau. Il exprime l'insouciance, la protection maternelle par ses mots simples d'un quotidien rassurant. Voici le texte en question. Tout va bien, c'est l'été, les poissons s'envolent et le coton a bien poussé. Papa a de l'argent, maman est belle, et un jour tu vas te lever, ouvrir tes ailes et t'envoler, mais d'ici là, rien ne peut t'arriver. Mais la musique choisie montre en effet le désespoir face à une situation qui ne fait qu'empirer. Si ces paroles de Dubose Hayward sont apaisantes, la musique est très mélancolique par sa progression d'accords sur une gamme pentatonique et à tous les attraits du blues. C'est un message qui peut sembler contradictoire, comme si Three Little Birds de Bob Marley avait une musique triste. Mais en fait, c'est assez réaliste, continuer à vivre même si le malheur est devenu une habitude. Cette complainte est devenue tellement essentielle dans la musique américaine dès l'enregistrement de l'opéra qu'elle a tout de suite été reprise plusieurs fois par an, presque chaque année. On estime donc, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a plus de 67 000 versions enregistrées depuis 80 ans avec des adaptations dans une quarantaine de langues. C'est donc une occasion parfaite de voir comment un morceau évolue selon les époques, les choix de production et la dimension artistique. Facile de reprendre un classique que tout le monde reprend, mais qui se l'approprie et comment? Vous voulez savoir comment on produisait une chanson mélancolique à telle ou telle période? Eh ben prenez Summertime, choisissez une année, et voilà. Mais pour éviter un listing infini et forcément barbant, j'ai découpé tout ça selon les différents chemins empruntés. En effet, Summertime a la particularité de pouvoir aisément traverser les genres. C'est un opéra blues donc, avec une ligne mélodique facilement identifiée, donc c'est à la fois un modèle efficace qui s'adapte à la pop et au style à la mode, et aussi une œuvre qui laisse énormément de place à l'improvisation. Je vais donc vous proposer un pot-pourri chronologique de versions orchestrales et jazz, où le dénominateur commun est parfois rikiki. Mais pas facile de se distinguer, alors les variations sont parfois subtiles. J'espère que ça va vous taper sur le système autant qu'à moi, alors bon voyage et je vous retrouve dans quelques minutes. And your mare is good looking. So hush, little baby. Don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Can you spread your wings? To the sky. Don't cry. No, no, no, no. But till that morning, there's nothing can harm you. Daddy's rich, and your ma is good looking. So, hush, little baby, don't you cry. One of this morning, you're gonna rise up singing. So easy. Cet exercice de style relativement exhaustif vous a donc emmené des années 30 avec Billie Holiday jusqu'en 2018 avec David Cassidy. Alors vous avez pu voir qu'en chemin on a traversé pas mal de routes assez étonnantes, la difficulté étant toujours de savoir à peu près retranscrire les continuités dans les styles musicaux, il y a certaines choses que j'aurais pu mettre dans une autre partie. Et cette deuxième partie en l'occurrence va être consacrée à l'évolution du morceau dans la ligne du blues, à savoir les premières versions du rhythm and blues qui vont nous mener au rock'n'roll et à toutes ces évolutions jusqu'au hip-hop et bien sûr à la pop. En tout cas, j'espère que ce premier voyage vous a plu. On se retrouve normalement dans une semaine et demie pour la suite des aventures de Summertime. That's my band.